Il est temps pour les fabricants concernés par le scandale du diesel de se racheter. Avez-vous été touché? La Fondation Diesel et Mission Justice, organisation néerlandaise indépendante à but non lucratif, lance une action collective pour obtenir l'indemnisation financière des actuels et anciens possesseurs de voitures diesel concernées. Un des constructeurs a déjà admis l'usage de logiciels non autorisés visant à dissimuler les niveaux réels d'émissions polluantes. Des dédommagements ont été versés sur plusieurs continents. Il est temps d'obtenir réparation. Rejoignez l'action sur www.émissionsaupluriel.justice.fr. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Andy Warhol est né en 1928 à Pittsburgh, aux États-Unis, de parents immigrés d'un petit village qui se trouve actuellement en Slovaquie. Mais ses origines européennes, c'est comme si elles n'avaient jamais existé ou presque pour cet homme qui a incarné l'Amérique dans son art jusqu'à sa mort en 1987. Il faut dire que Warhol se voulait un homme sans mémoire, comme nous l'a expliqué hier sa biographe Myriam Korichi au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Et puis demain, nous serons avec Cécile Gilbert, l'autrice de l'essai Warhol Spirit. Avec elle, nous reviendrons notamment sur les rapports de l'artiste avec d'autres figures, comme Karl Lagerfeld, Glenn Gould, Basquiat ou même Jean-Paul II. Elle nous dira également pourquoi nous sommes, selon elle, tous Warholiens. Enfin, jeudi, nous terminerons cette série en questionnant la démocratisation de l'art avec Didier Ottinger. Puis avec Hervé Vanel, nous parlerons notamment du rapport à l'art avec le mauvais genre, entre guillemets, d'Andy Warhol. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour présenter l'œuvre d'Andy Warhol, nous sommes avec Alain Cueff, historien de l'art, romancier, commissaire de l'exposition Le Grand Monde de Andy Warhol en 2009 au Grand Palais à Paris. On lui doit aussi l'essai Warhol à son image chez Flammarion, et puis il a traduit et préfacé Popisme, les mémoires de Warhol, ainsi que les entretiens de Warhol aux éditions Grasset en 2005. Allez, bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres. À propos de la publicité, j'étais payé pour ça et je faisais tout ce qu'on me demandait. Si on me demandait de dessiner une chaussure, je la dessinais. Et si on me demandait de remanier le dessin, je le remaniais. Je faisais tout ce qu'on me demandait en corrigeant jusqu'à ce que ça convienne. Je devais inventer et plus maintenant. Après toutes les retouches, les dessins avaient une atmosphère. Ils avaient un style. L'attitude de ceux qui me passaient les commandes n'était pas indifférente. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils insistaient et quelquefois ils prenaient un ton passionnel. Le travail dans l'art commercial était mécanique. Mais les gens avaient des sentiments. On commence avec ces propos de Warhol repris dans la voix de Lara Brühl. Bonjour Alain Cueff. Bonjour. Assez étonnante hein, cette citation qui donne l'impression que Warhol finalement regrette le moment où il faisait des images pour la publicité. Oui, c'est une ruse encore une fois, ou d'emblée dirais-je. Une façon de dire déjà, je sais ce que c'est d'être une machine. On me demandait de faire quelque chose, je le faisais, je corrigeais s'il le fallait. Et d'une certaine façon, la mention des sentiments que les gens pouvaient malgré tout éprouver dans ce milieu vient là comme un grain de sable qui tout d'un coup montre bien que vouloir être une machine, ce n'est pas être une machine, hein, et que c'est la chose la plus difficile au monde, même s'il y a... S'il s'y est repris à plusieurs reprises, il a essayé, effectivement, ou dit vouloir essayer d'être une machine, notamment par la technique qu'il a employée, qui est la sérigraphie. Pourquoi voulait-il être une machine ? pour se protéger, pour éviter les sentiments, pour éviter d'être impliqué dans des relations complexes avec les autres. I would prefer not to care, disait-il souvent. Ah, c'est du Bartleby, ça. Presque, j'y ai pas pensé, c'est du Bartleby. Je préférerais ne pas me soucier des autres, hein, je préférerais rester à l'écart. Donc, c'est aussi, évidemment, du même coup, la posture du voyeur qu'il était dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, du temps où il était publicitaire et évidemment au moment où il devient artiste et cinéaste, puisque tout son cinéma est un art du voyeurisme, et on peut étendre en effet cette pulsion à voyeuriste qui se manifeste si bien dans les screen tests à toute sa peinture et notamment à ses portraits. Redites-nous les screen tests, de quoi s'agit-il ? Les screen tests, c'était ce qu'on appelle en français des bouts d'essai, qui est une pratique régulière du casting au cinéma, et qu'il s'est approprié en sollicitant son entourage pour poser pendant le temps de la durée d'une bobine, environ 3 minutes, assis sur un tabouret, éclairé généralement avec un... par des lampes un peu intimidantes, de ne rien dire, de ne pas cligner des yeux, de ne pas respirer. Et on raconte que parfois, quand il avait allumé la caméra, il marchait un peu plus loin en laissant ses sujets seuls face à l'œil mécanique, en jouant là de ce ressort narcissique qui est si puissant et qui traverse, qu'il a si bien analysé, je crois, et dont il a su profiter. Est-ce que ça met mal à l'aise les personnes qui sont en train de passer ce screen test ? Et est-ce que l'idée d'être mal à l'aise faisait partie, d'une manière ou d'une autre, de sa démarche ? Certainement. Il y a des témoignages, même de certains de ses vrais amis, qui ont fini par trembler, intimidés à la fois, évidemment, par ce face-à-face, intransigeant, où le jugement n'est pas porté par un homme, mais bien par une machine. Et certains tremblaient, beaucoup de jeunes femmes se sont mises à pleurer ou à éprouvant une sorte de rupture nerveuse. Par crainte narcissique de ne pas donner une bonne image de soi à la caméra ? Certainement. Pour toutes sortes d'autres motifs psychologiques qui n'intéressaient pas réellement Warhol. Ce qui l'intéressait, bien évidemment, c'était l'image qui était produite, de voir comment toutes ces personnes échouaient à la simple demande qui leur était faite. C'est difficile, effectivement, de ne pas cligner des yeux pendant 3 minutes. Il était manipulateur, pardonnez-moi. Ah oui, de toute évidence, oui. La Factory est un laboratoire dans lequel il laisse entrer délibérément ou dans lequel il fait venir un certain nombre d'individus contrastés, aussi bien des individus, des collectionneurs, des artistes ou des would-be artists, comme on dit, et dont il connaît, ou des drogués, bien sûr, et puis ensuite des musiciens, dont il connaît le besoin infini de reconnaissance, hein, et avec lequel il joue. Alors, beaucoup de gens ont pensé que c'était là l'œuvre d'un pervers et de quelqu'un de très très mal intentionné. Je crois que il avait tout simplement considéré que cette humanité-là constituait une partie de son matériel. Est-ce qu'on doit juger de ce type d'attitude selon une perspective morale ? Je ne sais pas. Alors c'est là peut-être qu'il faut parler de la question de la célébrité, de la fameuse phrase, les 15 minutes de célébrité que Warhol avait prédite à Monsieur Tout-le-Monde. Quel est le rapport de Warhol à la célébrité ? A-t-il cherché à être célèbre ? Est-ce que ça fait partie de sa démarche artistique ? Alors j'ai peut-être tendance à voir les choses de façon trop utilitaire, d'une certaine façon. Je pense que Warhol avait besoin de la célébrité, avait besoin d'être célèbre pour pouvoir accéder à un certain type, pardonnez-moi l'expression, de matériaux humains. Donc il lui fallait être célèbre. Si vous n'êtes pas célèbre, c'est très difficile de rencontrer les uns et les autres. Et il a construit son personnage, pas à pas, avec beaucoup de science, à la fois dans son apparence physique, son my Andy suit, comme il disait, Et puis son personnage artistique, ça en s'associant très très vite à l'émergence du pop art, qui est de toute évidence un des grands moments de l'art américain. Donc il en avait besoin. Il aimait le gossip autour de la vie des célébrités. Les potins. Et en même temps, je pense que il n'était pas dupe non plus de ce système de la célébrité, et qu'il avait peut-être une opinion plus moins facile que celle qu'on lui prête habituellement. Alors justement, il y a un malentendu, dites-vous, autour de cette phrase des 15 minutes de célébrité. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous réellement dans l'esprit de Andy Warhol? Elle signifie, comme d'autres remarques qu'il a pu faire, qu'il a très bien observé l'émergence des médias, et à travers cette émergence des médias, l'émergence d'un nouveau monde redirige les rapports humains, qui les reconfigure dans une autre, presque dans une autre planète, et on voit bien aujourd'hui à quel point nous en sommes venus. Donc la célébrité, c'est aussi, et ça je suis persuadé qu'on le voit si on veut bien dans les portraits qu'il a peints de la bonne société internationale, que la célébrité est une dépossession de soi. L'histoire de Marilyn Monroe que tout le monde connaît, il y a cette anecdote de Marilyn Monroe qui s'approche en voiture le soir de la première d'un de ses tout premiers films, celui en tout cas où elle tient la vedette, et elle raconte qu'elle se cache un peu à l'écart du cinéma pour s'émerveiller de voir son nom et son visage tout d'un coup offert en pâture au public. C'est le type de réflexion que Warhol a bien assimilé. Oui, mais enfin, en même temps, a-t-il du recul, comme vous semblez le dire, sur ce rapport à la célébrité, puisque lui-même, comme vous venez de l'expliquer, était dans son Warhol suit, dans son personnage aussi, et qu'il a cherché, pour toutes les raisons que vous avez citées, dont certaines utilitaires, à être célèbre. Est-ce qu'il avait du recul? Je vais vous choquer en vous disant, ou en faisant la proposition suivante, je suis convaincu que Warhol pensait que la célébrité était la chose la plus vulgaire du monde. Et donc c'est pas du tout, ça porte pas jugement moral sur ce que c'est, d'où ça vient et ce que ça signifie. Je pense qu'il a vu la vulgarité de la célébrité comme il a pu voir d'autres travers de la société, ce qui n'empêchait pas sans doute de s'en réjouir ou de jouer avec, mais d'avoir effectivement de préserver une distance par rapport à ce système. Donc c'est une attitude un peu nihiliste. C'est non. Vulgaire, mais enfin après tout c'est amusant aussi. Non, parce que c'est la réalité surtout de New York dans les années 60, 70, et il ne faut jamais oublier que, comme il le dit aussi, le soir venu, ou la nuit venue, parce qu'il avait une vie mondaine très active, la nuit venue, il enlevait dans la solitude sa tunique de représentation, et comme n'importe quel acteur, il avait un grand besoin de solitude qui se poursuivait jusqu'au matin, jusqu'à la fin de la matinée, moment auquel il descendait Park Avenue en faisant du shopping. Quelqu'un a dit que Brecht voulait que tout le monde pense de la même façon. Je voudrais moi aussi que tout le monde pense de la même façon. Mais Brecht, d'une certaine façon, voulait y parvenir par le communisme. C'est le gouvernement qui s'en occupe en Russie. Ici, on finit par y arriver sans le secours d'un gouvernement autoritaire. Donc, si ça marche aussi facilement, pourquoi ça ne marcherait pas sans le communisme? Tout le monde se ressemble et se comporte de la même façon, et ça s'accentue. Je pense que tout le monde devrait être une machine. Je pense que tout le monde devrait aimer tout le monde. Est-ce que c'est ça le sujet du pop? Oui, c'est aimer les choses. Et aimer les choses, c'est comme être une machine? Oui, parce qu'on fait toujours la même chose, et on le fait encore et encore. Tu penses que c'est une bonne chose? Oui, parce que tout n'est que fantaisie. « la compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons et nous écoutons aussi Andy Warhol, en l'occurrence des propos rapportés ici dans La Voix de Lara Brühl. Avec vous, Alain Cueff, revenons peut-être au début de la carrière de Andy Warhol, à ses premiers dessins. On a vu hier que Myriam Korichi les appelle les dessins de la période garçon sensible, parce que c'est des dessins qui sont tout de même assez beaux et qui représentent beaucoup d'amour, de demandes d'amour, de regards amoureux. Quel regard vous portez-vous sur cette première période, artistiquement parlant ? C'est une... Je repense au fond à ce portrait, à cet autoportrait, l'un de ses premiers, l'un des plus étonnants, qui est, et j'en parle parce qu'il est à la fois caricatural et sentimental. Il s'intitule, il y a deux versions du titre, mais enfin, il est connu sous le titre The Lord gave my face, but I can't pick my own nose. Dieu ou ma mère m'a donné mon visage, mais je peux me gratter le nez. Et c'est une sorte de corps d'avorton avec une tête hydrocéphale qui ressemble vaguement à Andy Warhol lui-même, bien évidemment, avec un nez qui se plonge dans un, avec un doigt pardon qui se plonge dans un nez démesuré. Et c'est je crois que ce balancement entre l'ironie et la sentimentalité sont caractéristiques de ces de cette première période. Si on songe par exemple au portrait de pied qu'il faisait de beaucoup de ses invités, avec les connotations sexuelles que ça comporte, quand il demandait à des gens qu'il voyait de se déchausser et en voulant peindre, en voulant dessiner leurs pieds, ou bien à l'autre extrémité du spectre, les dessins inspirés par ses souvenirs d'enfance dans l'église, du culte gréco-orthodoxe. Donc c'est un moment très autobiographique de l'œuvre de Andy Warhol, mais peut-être que toute son œuvre est autobiographique. Toute œuvre est autobiographique. Oui. Alors malgré tout, il se cherche à ce moment-là. L'autoportrait dont je parle, c'est qui date de la toute fin de ses études. C'est une façon de s'affirmer. C'est déjà une façon de faire scandale. C'est déjà une façon de provoquer son public. Le tableau connaîtra toutes sortes de vicissitudes. C'est une façon d'élaborer son personnage. Donc les premiers dessins sont concomitants avec le moment où il travaille pour la publicité. On a vu hier qu'en arrivant à New York, il avait tout de suite des contrats. Il commence par dessiner des chaussures. Quel rapport avec l'imagerie publicitaire à ce moment-là, dont il disait dans la première archive qu'on a entendu que finalement il s'y sentait très bien. C'était peut-être aussi ironique, on ne sait pas si on doit vraiment le croire en l'occurrence. Voilà, cette période, le rapport au commerce. Le rapport, je pense que même s'il arrive à New York et que contrairement à certains de ses amis, il n'a pas l'ambition de devenir immédiatement un artiste, il est peut-être trop prudent pour ça, mais qu'il a bel et bien cette ambition à moyen terme. Et son idée, je crois, c'est d'amasser un trésor de guerre. C'est-à-dire, je vais travailler là où se trouve l'argent, je vais me rendre indépendant, et je vais pouvoir affronter le milieu de l'art, le moment voulu, avec une certaine assise, avec en tout cas un souci de moins. Et je vais en même temps pouvoir comprendre les règles du jeu dans la publicité. Et les règles du jeu de la publicité, il le dira de différentes façons à plusieurs reprises, ne sont pas si différentes, finalement, de celles du monde de l'art. Alors, il faut citer un nom, celui d'Émile de Antonio, qui va être un peu à l'origine du tournant esthétique de Warhol, puisqu'il le fait passer précisément de l'illustration publicitaire à l'art contemporain. Vous diriez ça aussi, Alain Cueff ? Alors, l'art contemporain, je ne dirais pas ça, mais je dirais que effectivement, Émile de Antonio était un cinéaste qui est connu pour un certain nombre de documentaires, à la fois sur le monde de l'art et sur la vie politique américaine, et qui était un proche ami de Warhol, et qui l'incite en effet à abandonner tout ce qui est de l'ordre du décoratif dans la peinture. Donc il y a cette histoire canonique maintenant où De Antonio commente deux tableaux représentant tous les deux une bouteille de Coca-Cola, l'une avec des drips, c'est-à-dire des coulures de peinture qui évoquent en effet quelque chose qui est immédiatement identifié comme étant de l'art, et puis une autre version beaucoup plus nue, beaucoup plus directe, hein, sans aucune fioriture. Et Emile De Antonio lui dit, c'est ça, c'est ce que nous sommes. Et je trouve cette expression tout à fait parlante, et je suis sûr qu'elle a immédiatement fait clic dans la tête de Warhol. C'est ce que nous sommes. Nous sommes à nu, nous n'avons plus, nous sommes débarrassés ou nous n'avons plus ces fioritures. Alors Andy Warhol savait bien ce qu'il faisait quand il a présenté ces deux tableaux à Emile De Antonio. D'un côté, il y avait ces coulures qui pouvaient faire penser aussi à Pollock, par exemple, parce que c'est quand même la référence de l'art à New York à cette époque-là. Donc ce moment est un symbole du chemin complètement inverse que Andy Warhol va prendre par rapport à l'art qui lui est contemporain, pour le coup. Oui, il commence ses mémoires popisme en disant, au fond, notre génération, c'est tout d'un coup mise à regarder la vie urbaine en descendant Broadway, tout ce que l'expressionnisme abstrait s'était acharné à ne pas voir ou à ne pas regarder. Donc là, il a conscience, en effet, d'un changement important dans l'approche même de la signification de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette exaltation portée par l'expressionnisme abstrait a encore du sens au moment où les moyens techniques de diffusion de la culture ont changé de façon aussi complète? Et de fait, vous diriez qu'on est passé le nom m'échappe tout d'un coup, de l'expressionnisme abstrait au pop art avec Andy Warhol. C'est lui qui fait non, la transition. C'est pas vraiment lui. Enfin, ils sont plusieurs à le faire au même moment. Il faut se souvenir que Roy Lichtenstein, avant de peindre Mickey, a lui aussi connu une longue phase de peintre abstrait, disons, et qu'il a fait plusieurs détours avant d'arriver à quelque chose qui est effectivement très très proche de l'esprit dans lequel Warhol a pu travailler. Alors il faut parler un petit peu, Alain Cuieff, de ces toiles et sculptures aussi iconiques de cette époque-là. Donc c'est les bouteilles de Coca-Cola, c'est les boîtes de soupe Campbell, c'est les paquets de lessive Brillo. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet? Que fait Andy Warhol avec ces œuvres-là? Comme on vient de le dire, la première chose, c'est de regarder ce qui est autour de soi, de comprendre ce que ça peut vouloir dire, et ou d'admettre que l'on veut bien comprendre ce que ça veut dire. La notion de produit est au centre de la culture américaine. C'est une chose relativement nouvelle, même si on peut la faire remonter au début du XXe siècle. Mais les années 60, c'est le moment où tout se cristallise et où les choses... L'image des choses devient de plus en plus prégnante, constitue un environnement pour n'importe quel individu. C'est le moment aussi où les identifications de l'individu à l'ensemble des produits qu'il consomme devient plus forte et devient plus pressante. Ce que l'on voit dans les deux bouteilles de Coca-Cola, ou dans la bouteille de Coca-Cola que nous avons évoquée, c'est, si l'on y prête attention, c'est une figure anthropomorphe. Hein. Et je crois qu'il y a constamment dans l'œuvre de Warhol un jeu entre cette représentation de l'objet et cette représentation de la personne, entre des formes qui sont pas nécessairement toutes anthropomorphes, mais dont on voit bien qu'elles constituent l'horizon même de ce que par ailleurs il va peindre. Je le dis tout de suite, ces portraits de commande réalisés selon un protocole qui est à chaque fois identique. Mais une fois qu'on a exposé le principe que vous venez de faire, par exemple avec les bouteilles de Coca-Cola, pourquoi le refaire, c'est une question volontairement naïve hein, que je vous pose, avec les paquets de lessive? Est-ce qu'on ne dit pas la même chose? La répétition, c'est toujours introduire une différence. Hein. C'est marquer un rythme, hein, sans doute. C'est à un niveau très superficiel, insister sur un aspect des choses. D'un point de vue économique, c'est évidemment une formule qui permet de rentabiliser une idée. Mais fondamentalement, je pense que la répétition, qui est un motif très important de l'art moderne, prend chez lui une signification un petit peu différente, une tonalité différente. Encore une fois, si on le rapporte à cette identité qui est exprimée dans la citation que vous avez diffusée tout à l'heure. Tout le monde devrait être une machine et tout le monde devrait penser de la même façon. Donc il y a quelque chose qui le trouble, hein, qui le préoccupe. Il essaye, y compris par la répétition, de comprendre quel est le ressort dans la vie moderne telle qu'elle se déploie à ce moment-là. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez neuf, rapidement, chez Andy Warhol, c'est l'art collectif et c'est l'invention de la factory. Dans les années qui suivirent ma décision d'être un solitaire, je devins de plus en plus populaire et j'eus de plus en plus d'amis. Professionnellement, je m'en tirais bien. J'avais mon propre studio avec des gens qui travaillaient pour moi. Un arrangement se dessina peu à peu et ils se mirent à vivre réellement dans mon atelier de travail. En ce temps-là, tout était vague, flexible. Des amis d'amis d'amis d'amis. On repassait sans cesse les disques de Maria Callas et il y avait plein de miroirs et de feuilles d'étain. J'avais fait ma déclaration sur le pop art et j'avais beaucoup de travail, de toile à faire. Je travaillais de 10h à 22h en général, puis je rentrais dormir chez moi et je revenais le lendemain matin. Mais quand j'arrivais le matin, les gens que j'avais quittés la veille au soir étaient toujours là, en pleine forme, avec Maria et les miroirs. C'est là que j'ai commencé à comprendre comme les gens peuvent être dingues. Par exemple, une fille s'était installée dans l'ascenseur et refusait d'en sortir. Ça a duré une semaine jusqu'au jour où plus personne n'a voulu lui apporter de coca. Je ne savais pas quoi faire de ce décor. Puisque je payais le loyer, je me disais bien que ce décor était en quelque sorte le mien. Mais ne me demandez pas de quoi il s'agissait, car je n'ai jamais pu le découvrir. La Compagnie des œuvres. Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cet extrait de Ma philosophie de A à B et vice-versa, lu par Valérie Lang. Alors, à la fin de l'année 63, Warhol s'installe donc avec sa tribu hein, dans un loft new-yorkais qu'il baptise donc la Factory, parce qu'on y travaille comme dans une usine pour y produire des toiles, mais aussi des affiches, des photos, des films, des disques, des journaux. Qu'est-ce qui se joue exactement dans cette nouvelle manière de faire de l'art? Alors, collectif, je ne suis pas sûr que ce soit une entreprise collective. Hein, comme on l'a déjà évoqué, Warhol a une personnalité très forte. Il a des talents de manipulateur. L'inspiration, quand même, du coup, vient du collectif, même si c'est lui qui la dirige. En dépit du fait que l'expression peut avoir quelque chose de choquant, je préfère parler de matériaux humains qu'il réunit à sa guise. Il est vrai qu'un certain nombre d'entre eux prennent des initiatives, comme le décor, précisément, quand il s'agira d'y coller du papier aluminium qui va opérer comme une sorte de miroir où tout le monde va se trouver démultiplié. Mais il laisse faire les choses qui lui conviennent hein, et il impulse un certain nombre de tendances et d'orientations qui font que j'ai un peu de peine à voir la Factory comme un laboratoire d'un art qui serait collectif. C'est quoi alors exactement? Mais c'est un parc humain qu'il met en place, hein, en laissant oui, une relative liberté à l'ensemble des personnes qui y interviennent, en essayant d'anticiper sur à la fois sur leur créativité ou sur leurs excès ou sur leurs échecs, et tout ça va, si on regarde son cinéma, il est bien évident que l'absence de montage, l'absence de scénario, au fond un cinéma brut, témoigne bien du fait que Warhol cherche à laisser les choses se produire, même si elles doivent dégénérer. Il y a un certain nombre de situations qui ont dégénéré, soit dans des films regroupant plusieurs personnes, soit même quand il filme justement Emile D'Antonio, en lui disant « tu bois cette bouteille de whisky et on verra ce qui se passe ». Et Emile D'Antonio boit en effet cette bouteille, tombe ivre mort, et Warhol continue de le filmer, étendu au sol, et jusqu'à ce que Emile D'Antonio lui dise « écoute, c'est très bien, mais je t'interdis formellement de jamais diffuser ce film ». Mais je ne l'ai jamais vu, et je pense que très peu de gens ont pu le voir. Donc c'est un laboratoire avec des cobayes, pour reprendre, si vous voulez, pour filer votre métaphore. Tout à fait, ouais. Absolument. Alors il y a le premier ministre, ou considéré comme tel, de la Factory, il s'appelle Gérard Malanga. C'est une rencontre avec lui qui a été assez providentielle, est-ce que vous diriez cela ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que Malanga a pour lui la jeunesse, sans doute un certain nombre d'acquaintances, hein, qui conviennent tout à fait à Warhol, et puis un savoir-faire technique, qui est celui de la sérigraphie, puisque Malanga, qui se disait poète, était gagnait sa vie dans une fabrique de textiles, et avait donc une expertise technique sur la façon de travailler la sérigraphie. Or, dans une usine, on a besoin d'expertise technique. Certainement. Il y a eu plusieurs factories qui correspondent aussi à des moments de création différents. Oui, qui correspondent à des moments, vous avez dû en parler hier, à des moments de crise après l'attentat de Valérie Solanas, hein, qui correspondent aussi, évolution qui correspond à un certain embourgeoisement de Warhol, puisque il est très rapidement, après l'exposition de Philadelphie, à l'Institut d'art contemporain de Philadelphie, l'un des plus des artistes du pop majeur, hein, est considéré comme tel, avec les répercussions mercantiles que ça peut avoir. Donc il est au centre, sa clientèle évolue, sa façon de produire aussi, ses exigences évoluent en même temps. Donc nécessairement l'atmosphère, alors on va pas rentrer dans le détail ici des différentes factories, mais l'atmosphère évolue de façon très sensible jusqu'au moment qui va de l'underground à la jet set, c'est un petit peu c'est le chemin si on veut, absolument, jusqu'au moment où en effet les clients sont reçus dans un salon lambrissé, je parle des clients par exemple qui ont commandé leur portrait, avec un rituel qui se met en place, qui a été décrit notamment par Vincent Fremont, qui était son assistant dans les années fin des années 70. Et là il prend des polos Polaroid avec le maximum de flash pour ait l'air plus jeune sur la photo. Oui, et puis surtout pour aplatir d'emblée le visage, avec Bob Colacello qui va être le rédacteur en chef d'Interview. Donc, qui est donc le magazine que va lancer Andy Warhol. Le magazine célèbre de Warhol, qui va marquer aussi l'histoire de la presse d'une certaine façon, avec ce même principe de laisser parler les gens, de les laisser faire, de publier les entretiens de façon brute, sans révision, principe qu'il va encore appliquer à un roman entre guillemets qui s'appelle A, qui est la restitution sans aucune correction de son dialogue avec Ondine, et dont on parlera en particulier jeudi. Donc il y a un avant et un après la tentative d'assassinat de Valérie Solanas à la Factory, qui d'un lieu très ouvert va devenir un lieu où protégé. Il y a une caméra, ouais, et où vous devez montrer patte blanche avant d'entrer. Est-ce que ça correspond pas aussi du coup à sur le plan de la reconnaissance artistique pure, quand même une espèce de moindre compréhension du travail de Andy Warhol, qui va devenir une espèce de pantin, enfin on va s'en moquer, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même quelque chose qui se joue là sur, du point de vue de l'art en tant que tel et de sa reconnaissance. N'importe quelle célébrité s'expose et elle sait bien à quoi. Elle s'expose au meilleur comme au pire. Certainement, ça n'avait pas échappé non plus à Warhol et qu'il fasse l'objet de caricatures, c'est la moindre des choses. Maintenant, il y en a certaines qui sont assez féroces. Il y a un film que j'ai vu récemment qui m'avait échappé où il est presque pulvérisé par les effets de caricature qui y sont produits. Et alors, c'est donc un moment où on peut parler d'artiste d'affaires. C'est même lui qui parle d'un artiste d'affaires. En le revendiquant, qu'est-ce que ça signifie être un artiste d'affaires? Mais peut-être qu'on peut déjà le dire dès la première Factory, Alain Kieff, je ne sais pas. C'est parfois difficile de faire le partage entre l'ironie, le cynisme et un simple réalisme de sa part. Quand il dit le véritable art, c'est celui des affaires. J'ai commencé dans l'art et je termine dans les affaires. C'est encore une fois de la provocation. On peut la juger gratuite. Mais il y a un fond auquel il croit ou pas? C'est un fond objectif, c'est-à-dire qu'en effet, le monde de l'art s'apparente de plus en plus à une sorte de business. C'est lucratif. Un marchand comme Léo Castelli va marquer de son empreinte le monde de l'art new-yorkais. Ils sont très proches, lui et Andy Warhol. Mais en étendant la clientèle, en assurant à l'art aussi une présence médiatique, en en faisant un phénomène de société, tout simplement. Et c'est aussi à peu près à ce moment-là où on commence à parler d'art contemporain, même si tout art, à un moment ou un autre, évidemment, a été contemporain. Donc c'est une définition tout à fait insatisfaisante. L'art est devenu un business. Ce n'est pas seulement de son fait. Il y a d'autres artistes qui l'ont précédé. Il y a des collectionneurs qui ont bien compris ça dès le milieu des années 60 en organisant des ventes aux enchères de leurs collections où la plus-value était absolument extravagante. I've got this, Mr. Land had invented this great camera that was called a Polaroid. It was called a Polaroid Big Shot. And it just takes the face of the person. I haven't learned how to do the body yet. I mean, I've done it before, but not really. And so this picture just takes a picture of just the face, and it seems to I don't know. There's something about the camera that makes the person look just right, and it takes their headshots. It's like getting a passport picture. They usually always come out great. Do you take more than one picture or only one? No, I take at least 200 or maybe more. And then you choose? Then I pick. And sometimes I take a half a picture from one picture and another picture, a lip from another picture. Here she comes. You better watch your step. She's gone to Alors c'était Andy Warhol, interrogé, vous l'avez reconnu Alain Kieff, par Edward Lucy Smith pour la BBC en 1981. Il parlait de ses portraits, il expliquait notamment qu'il prenait beaucoup de photos, au moins 200 de chaque portrait, qu'il faisait son choix ensuite, quitte à prendre la moitié d'une image et un morceau d'un autre pour reconstituer une troisième image. Parlons un peu du portrait, si vous le voulez bien. C'est la marque de fabrique de Warhol, le portrait. Tout est portrait, finalement, ou presque, pour lui. C'est ce qu'il dit, en tout cas, en effet, quoi que je fasse, il y a toujours un effet portrait. Donc lui qui veut être une machine, finalement, fait toujours des portraits d'êtres humains. Mais les machines font ça très bien. Les photomatons, à l'époque, le font mieux que n'importe quel photographe. Oui, mais il aurait pu prendre des photos de machines. Ça aurait pu l'intéresser aussi. C'est beaucoup moins amusant, parce qu'une machine confrontée à une machine, ça manque de tension, ça manque de grain, ça manque de passion, ça manque de passion espérée ou contrariée. Donc comme je l'ai raconté tout à l'heure à propos des screen tests, il met les gens face à la machine. Et ce qu'il dit là dans l'interview, c'est très clair. Le Polaroid Big Shot fait des photos de passeport. Mais alors, qu'est-ce que ça crée par rapport au sujet lui-même? Est-ce que, par exemple, quand il prend en photo ou quand il réutilise des photos de Jackie Kennedy, est-ce que c'est Jackie Kennedy qui est sur l'image ou est-ce que c'est autre chose? Mais nous vivons dans un monde d'images. Warhol est, qu'on le veuille ou non, l'un des premiers, non pas le premier à l'avoir compris, mais un des premiers à l'avoir mis en scène et à avoir... tirer parti de cette réalité seconde à laquelle nous sommes assujettis. On a déjà parlé du point de vue psychologique de la dimension narcissique de cette opération, mais la réalité à ce moment-là, dans les années 70, n'est plus que celle des images, ou est avant tout celle des images. Et donc il s'agit là de faire de ces images des stéréotypes. C'est presque un stéréotype. Marilyn Monroe, c'est devenu le stéréotype de la star. Jackie Kennedy devient sans doute un autre stéréotype. Oui, alors il y a malgré tout de nombreuses nuances d'un portrait à l'autre, hein, spécialement si on fait la différence entre les portraits des célébrités ou des actrices que vous avez évoquées maintenant, au début des années 60, puis des personnages célèbres, mais pas trop, ou simplement ceux de la Factory, par exemple. Ceux de la Factory ou des collectionneurs, comme Madame Scull, qui est un de ses premiers sujets, une de ses premières grandes réussites dans le domaine du portrait. Entre Jackie Kennedy et Marilyn Monroe, il y a une différence de script, hein, c'est-à-dire que l'une est une héroïne grecque, hein, l'héroïne d'une tragédie, et le portrait qu'il fait d'elle est un portrait en différentes séquences, avant, pendant et après l'assassinat de son époux, alors que le portrait de Marilyn Monroe, c'est le portrait à la fois d'une courtisane et le portrait d'une sainte, hein, avec un investissement beaucoup plus profond dans le personnage de Marilyn Monroe, dont il avait commencé à collectionner des photographies dès les années 50. Le musée de Warhol de Pittsburgh conserve quantité des photographies que Warhol avait commencé à collectionner, qui témoigne de son intérêt précis à l'égard de Marilyn. Et il cherche, contrairement à ce qui se passe dans le portrait de Jackie Kennedy, avec Marilyn, il cherche l'ambivalence, il cherche un basculement entre l'image publique de cette star incomparable, l'être intime, et peut-être, puisqu'il précise bien avoir décidé, s'être décidé à la peindre le jour où il apprend sa mort, où il apprend son suicide, ce qui fait que la mort est une façon de sanctifier Marilyn, de la transporter dans un domaine tout à fait autre. Et ça, c'est, je crois, très important dans la réflexion qu'il conduit sur le monde qui l'environne, et ce balancement presque constant entre la dimension profane et la dimension sacrée du portrait. Alors vous insistez d'ailleurs beaucoup dans votre essai, Alain Kueff, sur la dimension sacrée de l'art de Andy Warhol. Il faut peut-être revenir au moment où il allait à l'église avec ses parents à Pittsburgh, dans une église dont vous nous décrivez l'intérieur, et c'est assez éclairant en effet de mettre en juxtaposition les portraits de Marilyn, par exemple, et puis les icônes byzantines de cette église. Oui, alors, comme je l'avais aussi mentionné dans mon essai, en effet, les icônes de byzantines, pour aller vite, en effet, de l'église Saint-Jean-Chrysostome, à laquelle il se rendait chaque dimanche, étaient aussi produites dans des usines. L'immigration d'Europe de l'Est était assez importante au début du siècle, et les lieux de culte se sont évidemment développés à proportion, avec des besoins en icônes, hein, qui ont été satisfaits par des ateliers plus ou moins importants qui, si on veut, on peut déjà y voir une dimension commerciale de l'art, hein, du portrait. Très certainement, le rapport avec l'iconostase, c'est-à-dire avec cet ensemble d'icônes de saints qui tapissent le fond de l'église, a joué un rôle déterminant dans le rapport que Warhol a envisagé dès son enfance à l'image. Des images de latterie que l'on peut toucher, auxquelles on peut s'adresser. Et qui sont très colorées, qui sont, alors j'ai envie de dire pop, mais peut-être que c'est pas adapté. Qui sont pas encore pop, mais qui ont, disons, une certaine froideur, une un aspect presque mécanique, archétypal, où seulement certains attributs permettent de reconnaître un saint, d'identifier un saint par rapport à un autre. Oui. Je connaissais Warhol depuis 23 ans quand il est mort. Et j'ai été surpris d'apprendre que c'était un catholique pratiquant. En fait, quand on y pense, ce n'est pas surprenant, mais plutôt logique. C'était quelqu'un de très secret, qui était capable de garder sa réserve sans la moindre trace de froideur ou de hauteur. On parlait aussi facilement avec Andy qu'avec toutes les personnes que j'ai pu connaître. Il était toujours curieux et ouvert. Les Anglais disent que la vraie élégance, c'est de porter des vêtements qui ne se remarquent pas. Et que le vrai savoir-vivre, c'est d'avoir des manières qui ne se remarquent pas. On ne soulignera jamais assez l'influence d'Andy Warhol sur le monde de l'art. Il a fait voler en éclats toute la hiérarchie des images artistiques. Il a effacé les lignes de démarcation arbitraires qui délimitaient étroitement l'art. Une soupe en conserve, observée d'un œil lucide, peut devenir aussi miraculeuse qu'une comète. La façon de voir une image modifie tout notre champ de perception. Warhol était un personnage miraculeux. Peut-être une espèce de saint. Just come in there. To 87. And somebody said. Andy was dead. Et ce témoignage était de William Burroughs. Il est élu encore par Lara Brulle. Donc, on ne sait pas si c'était une espèce de saint, Andy Warhol, comme le pensait Burroughs. En tout cas, il avait une grande culture religieuse qui lui venait de son enfance, on vient de le dire. Le rapport aussi au graphisme de l'icône, très important. Est-ce qu'il y avait un niveau supérieur qui serait tout simplement le niveau spirituel? Est-ce qu'on peut parler des œuvres d'art de Warhol comme étant des œuvres spirituelles, selon vous, Alain Cueff? Alors, je préfère parler d'œuvres religieuses ou d'œuvres inspirées par la religion, c'est-à-dire par un culte constitué. Par opposition à un art spirituel ou spiritualiste qui est la marque de l'expressionnisme abstrait, entre autres. Et je crois qu'il y a un rapport à quelque chose d'emblée qui est construit, c'est-à-dire que la religion c'est un dogme, hein, mais c'est aussi un ensemble de rituels, et c'est par ce prisme-là des rituels que Warhol cherche à cerner une réalité en définitive effectivement spirituelle. Donc il va à l'église, mais enfin on ne peut pas dire que c'est quand même quelqu'un qui a une croyance, j'ai envie de dire, qui serait réellement séculière. Il y a une vision qui est autre de la religion pour Andy Warhol. Non, je pense qu'il a hérité de sa mère une foi en Dieu, en bonne et due forme. Alors ouais. C'est toujours délicat de parler de ce genre de choses parce que ça relève de l'intimité, et on ne saurait prouver si quelqu'un a ou n'a pas la foi. Mais les témoignages, malgré tout, qu'il a pu donner lui-même quand il a parlé de sa mère, les témoignages aussi de ses amis les plus proches, dont John Richardson, qui était un spécialiste de Picasso, qui était l'un des rares à avoir été admis dans son hôtel particulier, montrent bien que et les actes de charité publique auxquels c'était pas la philanthropie, c'était pas l'exposition de l'homme charitable, hein, puisque ça restait tout à fait secret, et puis des indices très clairs dans son œuvre montrent que il y a un ressort religieux à l'œuvre qui permet non pas de tout expliquer, mais de comprendre en tout cas partie de son travail et partie de la dialectique qui anime son travail. Donc il ne s'agit pas de dire que Warhol est un saint ou est un artiste religieux. Il s'agit de comprendre la place qu'elle occupe dans sa pensée et dans son travail pour mieux apprécier les contrastes et sa capacité de visionnaire. Si vous regardez le monde de la publicité avec les yeux d'un publicitaire, vous ne voyez pas grand-chose, de toute évidence. Il faut autre chose, il faut une contre-marque, si on veut. Il faut une profondeur qui va donner et son relief et sa pertinence aux images utilisées. Alors Alain Keff, est-ce que Warhol est un artiste d'abord conceptuel ou est-ce que c'est un artiste plastique? Vous semblez nous dire dans votre essai que finalement c'est d'abord la peinture au sens strict qui compte pour Warhol, alors que on s'est habitué à penser que finalement c'était les idées qui étaient premières dans sa conception de l'art. Je pense que les vrais artistes savent que les idées comptent a posteriori. Ce qui est le plus important, c'est le rapport à la matière, hein, le rapport aux formes. Est-ce que ça existe encore dans la sérigraphie? Bien sûr, parce que la sérigraphie elle a cette particularité d'être un outil et d'être en même temps une forme, d'une certaine façon, d'imposer une série de formes avec lesquelles il est cependant capable de jouer très vite. Parce qu'il en a une connaissance approfondie, mais on peut s'arrêter là sur cette analyse. Qu'est-ce qui vous semble quand même plastiquement le plus réussi et le plus impressionnant? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est l'utilisation de la couleur, par exemple? C'est un aspect absolument capital. Il est vrai qu'à partir du moment où vous vous intéressez aux archétypes, le principe de variation devient très important. Il y a une série de petits portraits de Marilyn qui est à cet égard tout à fait parlante, puisque chacune des versions différentes porte le nom d'une couleur imagée, pistache et autres, et qui montre bien l'attention qu'il portait à ça et la science innée qu'il avait du phénomène chromatique et qui lui permettait de faire des tableaux qui, en dépit du fait qu'il pouvait reproduire le tracé de la même image, n'étaient jamais identiques. Ouais. Quels sont les artistes qu'il admirait, soit ceux qui vivaient de son temps, soit dans les temps qui l'ont précédé? Je voudrais vous répondre à la Callas. La Callas, à la fois pour la maîtrise de sa voix, pour sa science musicale. Pour le personnage aussi. Et j'y venais, pour le personnage, pour cette façon d'être habité par une vocation et de n'en démordre jamais. Je pense que, alors il y en a d'autres, mais je pense que l'une des références centrales, ou le personnage, l'artiste imaginaire qu'il a pu forger à un moment ou à un autre dans son esprit pouvait être emprunté à la fois à la Callas et à Marilyn Monroe. Mais graphiquement, picturalement, est-ce que il a regardé par exemple Bacon? Est-ce qu'il a regardé les grands artistes de son temps? Il est assez discret sur ses contemporains. Il parle avec envie et gourmandise de Picasso. Ils ne se sont pas rencontrés. Ils ne se sont pas rencontrés. En revanche, il a rencontré Marcel Duchamp, dont il a réalisé un portrait et pour lequel il professait une grande admiration. C'est impossible de ne pas tomber sous la coupe, sous le charme de Marcel Duchamp. Oui. Et Picasso, qu'est-ce qu'il pouvait admirer en particulier chez ce La vitalité, la productivité, le caractère inépuisable et fertile de cet artiste. Tout autant que la qualité de son œuvre. On pourrait aussi mentionner Giorgio De Chirico, qu'il a précédé dans la répétition et dans la réitération d'un certain nombre de motifs identiques tout au long de sa carrière. À un moment donné, il s'arrête de peindre, ou il dit en tous les cas qu'il s'arrête de peindre, et puis quelques années plus tard, il va se remettre à la peinture. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il décide à ce moment-là, ce mouvement-là? Il y a l'ambition qu'il a, je pense, caressé comme un leurre, de devenir réellement un cinéaste et d'être un jour embauché par Hollywood. C'est le moment... Alors, il ne fait pas les films qu'il faut quand même pour être embauché par Hollywood. Quoique... Lonesome Cowboy, on peut en parler une minute, je ne suis pas sûr que ce soit un film très hollywoodien. Non, mais enfin, le virage qu'il a pris par rapport au cinéma expérimental des années 60 avec Paul Morisset, qui devient l'un des hommes importants de la Factory et qui commence à scénariser les films et à leur donner un côté plus... oui, ce sont presque des films de divertissement, ça ne fait pas partie des œuvres immortelles de Warhol, mais enfin... Il a caressé ce rêve de Hollywood comme un leurre, c'est-à-dire que c'était une façon aussi bien de se tromper lui-même que de tromper ses aficionados et de tout d'un coup de donner plus de relief à son retour à la peinture et lui permettre aussi de réitérer la passion qu'il nourrit à l'égard de la peinture. Mm-hmm. C'est encore un jeu, me semble-t-il. Puis il y a des films qui sont presque de la peinture en mouvement. Je pense au film Empire, où il s'agit de filmer durant plusieurs heures l'Empire State Building avec la lumière qui évolue et qui du coup du change. Du crépuscule le matin. Ouais. Et après, évidemment, il faut le regarder pendant 7 heures. Oui, mais vous savez, disait-il, mes films sont surtout faits pour, sont plus faits pour qu'on en parle que pour les regarder. Donc il y a aussi cette, de la même façon qu'il disait, je préfère les parleurs aux beautés. Je préfère. Il y a un intérêt. Pourtant, lui ne parlait lui pas beaucoup. Non, mais il laissait parler les autres, il faisait parler les autres. Hein. Il avait une, il savait y faire, d'où le nom de son magazine Interview. Et il a un intérêt pour les jeux de mots, pour les jeux de langage, pour les ambivalences hein, qui sont dans une société de plus en plus normée, qui deviennent presque autant de petits scandales. Merci beaucoup Alain Kueff, on va terminer sur ces mots, merci pour ces clés sur l'art de Andy Warhol. On peut évidemment aller plus loin et trouver beaucoup d'autres clés en lisant votre essai Warhol à son image chez Flammarion ou encore en se procurant le catalogue de l'exposition Le Grand Monde de Andy Warhol dont vous étiez le directeur scientifique. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues proposées aujourd'hui par vous, Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier à Paris dans le 20e, librairie qui fait partie du réseau Librest. Bonjour Georges-Marc. Et bonjour Mathieu. C'est à vous, on vous écoute. Eh bien merci Mathieu. En travaillant cette chronique, à laquelle j'essaye d'allier évidemment surprise et qualité, hein, vous y parvenez très bien. Oh, vous êtes gentil avec moi. Je me suis donc replongé dans un livre que j'avais lu en fin d'année dernière. Et puis, en me disant, mais évidemment, de temps en temps, faire un petit pas en arrière n'est pas mauvais, car vous ne savez pas, sans savoir, cher Mathieu, que chaque année se publie énormément de livres dans ce monde, notamment en France, hein, qui est un pays avec une forte production éditoriale, plus de 60 000 livres publiés en 2019. Donc, évidemment, avec ma petite chronique mensuelle, j'aurais du mal à vous parler de tous les bons livres qui sortent. Et cependant, j'essaye quand même de vous dégoter quelques pépites. Alors, par exemple. Par exemple, eh ben, je me permets donc ce petit retour en arrière pour vous parler d'un recueil de nouvelles que j'ai lu et apprécié, malgré le fait que ce genre littéraire ne soit pas vraiment en expansion en France. Hein. Vous savez que les lecteurs français ont beaucoup de mal avec la nouvelle, c'est un genre très anglo-saxon. On sait que les auteurs anglo-saxons d'ailleurs sont très friands, sont très forts, il y a un lectorat pour ça, il y a des revues qui en publient. C'est une bonne manière de démarrer dans ce métier, d'être reconnu et d'être publié en France beaucoup plus difficilement. C'est bien dommage. Eh ben oui, notamment moi, il y a un auteur que j'adore, Raymond Carver, que vous connaissez certainement. Bien sûr, oui. Publié aux éditions Point. Si des auditeurs ne le connaissent pas, précipitez-vous. N'importe quelle édition de ces nouvelles valent le coup. Ici, je ne vais pas vous parler d'un anglo-saxon, mais d'un serbe, d'un auteur serbe, Goran Petrovic, qui a été édité donc chez Notabilia, un recueil de nouvelles paru l'année dernière, en octobre dernier, qui s'appelle « Tout ce que je sais du temps ». D'où le petit retour en arrière. Qui plus est, ce recueil est un agencement un peu particulier puisque c'est le traducteur qui l'a construit en proposant quatre temporalités, quatre moments dans ce recueil, quatre parties des nouvelles de Goran, des nouvelles qui ont été publiées et écrites entre 2007 et 2018, ce qui nous laisse quand même un regard assez étendu dans le temps, notamment en nous parlant de la Serbie, hein, puisque la fin de Yougoslavie, c'est les années 90, et l'entrée dans l'Union européenne de la Serbie, eh ben, c'est en 2011. Donc, ça vous laisse un peu, ça nous laisse à percevoir comme ça le temps qui file dans cette Serbie transformée dans ce pays incroyable qu'était Yougoslavie, et maintenant ce petit pays européen. Alors le thème central de ces nouvelles, vous l'aurez compris, eh ben c'est le temps, certes celui qui passe et celui qu'on peut mesurer, mais aussi celui dont on participe tous les jours, hein, en participant notamment à cette émission une fois par mois. Eh ben je participe au temps qui passe, figurez-vous. Voilà. 4 minutes par mois à peu près. 4 minutes par mois à peu près. Il vous reste encore 20 secondes. Il me reste 20 secondes, alors je vais aller plus vite. Donc ce recueil est assez formidable puisque l'auteur nous fait transparaître un peu à travers un double de son narrateur est un double de l'auteur lui-même qui va nous parler de sa vie d'auteur, de sa vie d'enfant, de sa vie d'ancien Yougoslave et de nouveau Serbe, de sa vie avec le temps qui passe, avec un talent et un plaisir que l'on ne dénigrera pas ici. Et voilà, et le temps est passé. Merci Georges-Marc Habib. Rendez-vous à la librairie de l'Atelier du lundi au dimanche matin ou alors sur librest.com pour les Parisiens. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Inès De Bruyne. Demain, nous poursuivons notre série consacrée à Andy Warhol. Ce sera avec Cécile Gilbert, l'autrice de l'essai Warhol Spirit. Ce soir, la fiction de France Culture, c'est Un roi sans divertissement de Jean Giono. Et tout de suite, on retrouve les sciences.